Ah, c'est pas mal le fun de regrouper des gens, des vieilles connaissances. Et suite au documentaire de Mario Tremblay qui passe actuellement sur le réseau des sports, que j'ai décidé de rejoindre Mario un peu pour faire un peu le complément de ce documentaire-là. Et j'ai décidé par la circonstance également de regrouper avec son vieux chum, Pierre Trudel. Salut, messieurs! Salut l'ami. Salut Bertie, salut Mario. Hey Pierre, qu'est-ce que ça te fait Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Bon, hey Mario, j'aimerais savoir dans un premier temps, c'est vraiment, ça n'a pas été facile. Quand on regarde le documentaire, ça n'a pas été nécessairement facile partir d'Alma à 17 ans, faire carrière et ainsi de suite. Tu l'as pas eu vie facile. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comparativement à un joueur de la région, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ou dans ton temps? Oh non, non, c'est pas plus facile aujourd'hui que c'était dans mon temps. Écoute, il y a encore, même s'il y a plus d'équipes aujourd'hui, tu sais, dans le fond, là, quand tu veux faire une carrière de hockey professionnel, tous les joueurs de tous les circuits, ou presque, se doivent de partir de la maison de bonheur. C'est pas compliqué, là, tu vas jouer junior à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors, lorsque tu as quitté le midget ou le midget 3 maintenant pour aller jouer dans la Ligue majeure du Québec, alors, t'as pas le choix, ben, il faut que tu quittes la maison de bonheur. C'est sûr que là-dedans, évidemment, moi, je me souviens très bien de mon beau-frère, Jean-Pierre Germain, celui qui m'avait présenté Colette, qui jouait avec le junior de Montréal, Canadien junior, avait quitté lui après 2 ans parce qu'il voulait retourner chez lui en Gaspésie. C'était un bon joueur de hockey, mais il s'ennuyait de sa Gaspésie natale. Alors, il y en a plusieurs qui sont élus, mais il y en a peu qui vont passer à travers. OK. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu plus de joueurs venant du Lac-Saint-Jean? Là, il y a Samuel Girard qui progresse tranquillement, qu'on dit qu'il y a des chances d'être un excellent. C'est son poids qui va faire. T'sais, il y a eu Michel Goulet, il y a eu toi, il y a eu quelques-uns, là, lui à Jonquière, là, qui était des Hawks de Chicago. Il y a eu Pierre Oui, Pilote, Pierre Pilote, oui. Oui. Après ça, vous avez eu Joe Hardy aussi d'Arvida qui a joué chez ouais. le professionnel. Après ça, ben, c'est parce que le problème qu'on a, Danny, c'est pas compliqué. On a un bassin qui est quand même beaucoup plus petit qu'ailleurs. Alors évidemment que les joueurs de hockey, ça sera en moins grand nombre. OK. Pierre, t'as-tu des questions à ajouter là-dessus? Hier, moi, je t'ai parlé hier, puis toi, ce qui t'avait marqué, c'est le fait que dans les années 70, les joueurs se tenaient pas mal plus qu'aujourd'hui, hein? C'est ça que t'as remarqué le plus, toi. Ben, entre autres, dans le documentaire, effectivement, parce que vous êtes dans les souliers de deux groupes de personnes. Un groupe plus jeune, qui n'avait pas vu jouer ces gars-là, qui n'ont pas connu les Canadiens des années 70, début 80. Un groupe plus jeune, donc, qui n'a entendu parler par des mononcles, des nostalgiques ouais. comme moi. Ou un groupe un petit peu plus vieux, qui, lui, a connu ce que c'était. Moi, ce que je voyais, notamment, c'est à un moment donné, le temps fait que tu oublies tel détail et tout ça, mais quand tu vois des images comme ça te ramène tous ces détails-là. Tous tes souvenirs reviennent. C'est là que je souhaitais, quand je t'ai parlé, ça, je disais, je souhaitais que le premier groupe auquel je fais allusion, celui qui n'a pas vu jouer ces gars-là en direct, je souhaitais ardemment qu'il l'ait vu, ce documentaire-là, je souhaite ardemment que RDS le rediffuse. Puis qu'à un moment donné, même il y a des copies qui soient faites, ça m'aide dans titre d'exemple, dans des écoles de hockey, je ne sais pas, moi, je fais un peu, mais quand même. Pour voir ce que c'était, l'esprit de groupe, là, le gars qui allait faire péter la gueule pour son voisin, pour son coéquipier, et tout ça, tu l'avais dans ce temps-là. Ouais. Tu l'as encore un petit peu aujourd'hui, mais je trouve qu'il y en a qui choisissent leur adversaire. Mais Mario Tremblay ne faisait pas un beau jeu. C'était Mario Tremblay à pleine face pendant une partie, là. Mario ne faisait pas un sourire, il mettait son poing sur la gueule. Il y en a qui font des sourires, puis ça lui est d'abord, puis ça va. Mais ça, moi. Pierre et Mario, tu sais, quand on dit, est-ce que c'est le talent, tu sais, aujourd'hui, dans le hockey, dans le sport professionnel, des fois, c'est l'esprit de groupe qui fait qui réussit à vaincre le talent, c'est l'esprit de groupe qui réussit à gagner les grands honneurs. Mais est-ce que, dans les années 70, Mario, est-ce que c'était le talent avant l'esprit de groupe ou c'était l'esprit de groupe avant le talent? Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Bon, je te dirais, Danny, que c'est un peu des deux, là. Ouais. C'est un peu des deux. Hein. Ça prend du talent de gagner une Coupe Stanley, mais ça prend le désir de vaincre. Puis comme j'ai mentionné dans le reportage, tu sais, nous, on a gagné 4 Coupes Stanley. Après, vous avez eu les Islanders de New York. Après, vous avez eu les Oilers d'Edmonton. Oui, il y avait du talent. Mais je pense que chacun des joueurs, comme j'ai dit dans le reportage, laissait leur maudit égo à la porte. Mm. Les coachs, là, tu avais un assignement, tu le faisais. Il y en a qui jouaient sur l'avantage numérique, good. Il y en a d'autres qui jouaient sur le désavantage numérique, good. mais c'était pas les meilleurs joueurs qui jouaient partout. Tu sais, aujourd'hui, là, les gars veulent avoir plus de temps de glace. Alors, ce qu'on veut faire, bon, à 5 contre 5, les super vedettes, ils veulent jouer des avantages numériques. Donc, les entraîneurs, les font jouer des avantages numériques. Puis, dans le fait même, ça enlève un peu de temps de glace aux gars de troisième, quatrième trio. L'hockey d'aujourd'hui s'est rendu comme ça. OK. Est-ce que les nationalités aussi, avant, c'était des Canadiens anglais, des Canadiens français. Là, maintenant, t'as des Russes, t'as des Suédois, t'as des Finlandais, t'as des Américains, t'as des Québécois là-dedans. Est-ce que ça y est pour quelque chose? Ben, écoute, c'est sûr que le bassin de joueurs avec l'Europe, l'Europe s'est beaucoup agrandi, c'est certain. Il y a beaucoup de meilleurs joueurs également qui sortent des lignes des États-Unis, comme j'ai dit, de l'Europe. Nous, au Québec, on semble avoir de la difficulté au cours des dernières années, à moins d'être un joueur là, exceptionnel, de réussir à percer dans la Ligue nationale de hockey. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que c'est ça la vérité aujourd'hui. Pierre, as-tu quelque chose à ajouter? Je te laisse ajouter là-dessus. Non, mais j'entendais juste pour voir ce que vous aviez dit sur les Européens, parce que je pense que quand on peut aller chercher le meilleur de deux mondes, il ne faut pas gêner par aller chercher le meilleur de deux mondes. C'est le sport en général, le hockey en particulier, qui va en profiter. Allons chercher ces gars-là, ne nous gênons pas. Oui, ça fait peut-être comme cause directe qu'il y a peut-être un petit Québécois, j'ai ce mot-là, parce que je crois, il y a peut-être un Québécois quelque part, ou un Anglais d'Ontario en quelque part, ou un gars de la Colombie-Britannique qui va avoir plus de misère à se faire une place, ou peut-être qu'il ne réussira pas à se faire une place. Mais bon, il faut penser au sport en lui-même, il faut penser aux spectateurs aussi. Avant d'y aller avec la question du public, parce que j'ai demandé à du monde qui voulait poser des questions à Mario, je vais y aller en rafale. Pierre, c'est toi qui a dirigé la carrière de Mario Tremblay dans les médias. Je pense que... Non. Pas plus de crédit, là. Non, mais... On a eu une belle complicité, on voit que c'est le même trio, mais c'est le même duo, puis il y a des soirs qu'on en valait trois. C'est vrai. Écoute, non, mais Pierre était un peu humble, là, c'est vrai, là, je le comprends, il a toujours été comme ça, mais j'ai été vraiment chanceux de commencer dans le monde des communications en animant une émission avec un vétéran, Pierre Trudel. C'est sûr, là, puis regarde, là, c'est ça la vérité. Pierre a été très, très bon pour moi. Puis moi, avec mon expertise dans le hockey, je pense qu'on faisait un excellent duo. OK, OK, ben c'est clair. Moi, je disais les énormités, puis Mario les corrigeait. Puis il y avait un sens de l'humour. puis il y avait un bon sens de l'humour aujourd'hui, hein, dans le temps. Oui, ben, écoute, on faisait... C'est le vieux proverbe, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Faites sérieusement ce que tu as à faire, mais ne te prends pas au sérieux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui se prennent trop au sérieux. Ouais, c'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est, puis on se pense peut-être plus vedette encore que le Canadien. Mais Mario, t'as-tu un regret face à ta carrière? C'est quoi ton plus grand regret? Comme joueur, comme entraîneur, dans les médias, c'est quoi ton plus grand regret, toi? Pierre, tu veux revenir également au concept d'équipe? Bon. Hein, ça a raccroché. C'est les succès, tes partages, les responsabilités, tes partages aussi dans les bons coups comme dans les mauvais coups. Puis qui connaît une saison de rêve pour lui, il s'en va à plein de Constantin. Ça enlève rien à Bergevin. Bergevin, il a osé. Il a osé quelque chose de gros. Puis je pense qu'il n'a pas été chercher un 2 de pique comme défenseur. Non. Il était en chercher un bon. Ça donne que, ici, ils sont moins entourés, puis l'équipe est moins bonne que les Prédateurs de Nashville le sont. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est pas une équipe autour de toi. Il y a 4 défenseurs qui sont bons chez les Prédateurs. Puis qui n'est pas le numéro 1. Puis ils ont demandé à Babcock, je sais pas si tu as vu ça, Mario, mais ils ont demandé à Babcock, je te montrer qu'on construit des équipes. Il y a un journaliste de Toronto qui a demandé à Babcock, puis je sais pas trop qui, là, il a parlé du choix des défenseurs. Si jamais le Canada participe aux. Les joueurs de la Ligue nationale participent aux Jeux olympiques. Il a demandé le choix défenseur pour le Canada, des 6 défenseurs. Et qui n'était pas dedans? Ouais. Non. Hey, mais, on parle de philosophie d'équipe et de lien d'équipe des années 70, puis 80, puis 90, 2000. Mario, y en avait-tu un genre de Piqué-Souban c'est sûr que t'es pas dans le vestiaire, mais de ce que t'as entendu, y en avait-tu un Piqué-Souban qui était un peu égocentrique, puis que les joueurs l'ont placé, puis qui est rentré dans le moule? Ça a-tu arrivé des années 70, 80? Ben, Ouais, je me connais pas connu bien, on pourrait bien faire avec toi, Danny, là. Ouais. Nous, bon, je suis arrivé, j'avais 18 ans, là. T'avais le Big Three, ça va, là, okay. Robinson. Après ça, des jeunes dans l'organisation, pas compliqués, non, honnêtement, j'en ai pas connu, okay. On en a pas connu. Là. OK. T'as-tu... Piqué, là... Oui? Piqué, là, c'est un bon joueur de hockey, faut pas se tromper, là. Mais comme Pierre a dit tantôt, il a entièrement raison, c'était une bonne transaction pour les deux clubs. Mm. Puis, s'il y avait pas eu de transaction là, là... Chez Weber, il sera en finale de la Coupe Stanley. Ben oui. Hey Mario, t'as-tu ton plus grand regret dans le... T'as-tu un regret au niveau du joueur, au niveau commentateur, au niveau également entraîneur? Y a-tu quelque chose que, dans le fond, que si tu sais refaire, tu refais différemment? Ah, moi, là, écoute, je suis rendu à 60 ans, là, puis j'ai oublié ma bosse pas mal. Là. J'ai été éclaireur chez les professeurs. Des professionnels pour le Canadien pendant 3 ans. J'étais parti, j'ai roulé à partir avec mes culottes. J'étais allé aux États-Unis pendant 10 ans avec Jacques Lemaire. Je suis revenu, je suis retourné dans le monde des communications. Écoute, là, pour un bilan plus long, il y a 16 ans, je suis à Montréal, puis il va dire, je ne changeais rien. Okay. J'ai appris sur le tas. Je suis arrivé à Montréal, j'étais un flot. Je suis devenu un adolescent, puis de l'adolescent, je suis devenu un homme. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Maintenant, je suis grand-père. Écoute, là, je ne changeais rien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceux. La seule chose que je changerais, c'est que j'aimerais que ma femme soit encore vivante. Ben, ça c'est clair. Okay. Allez, bon, Pierre, c'est une question. Ouais. On va y aller avec la question. Les gens qui m'ont demandé, on va y aller rapidement. On va demander des gens à rafale. Pierre, c'est une question avant qu'on y aille avec ceux-là du public. Non, Roger, laisse parler de moi. OK, donc la première question, je vais te demander des questions des réponses rapides, Mario. Avec Joël Lepage, la bagarre contre Dave Schultz, a-t-il été la plus difficile en carrière? Ben, celle avec Dave Schultz, il jouait avec les. Il était rendu avec les Kings de Los Angeles. Ouais. Puis j'avais donché mes gants devant le banc, et il m'avait donné. C'est pas compliqué, il m'était réveillé dans la clinique, j'avais une aiguille dans la bouche, qui est pendue, puis ça avait été. Dans le fond, c'est un encanté de possibilité, c'est là quand tu te réveilles. Mmh. Oui, c'est clair. Stéphane Harvey lui demande dans le cadre du sixième match de la finale de la Coupe Stanley de 1978, tes deux buts gagnants, dont le but gagnant a-t-il sauvé ta carrière à Montréal? Non. Non, OK. Non, j'avais seulement quoi, 19, j'avais quoi, peut-être 24-25 ans. Ça allait très bien pour le Canadien. Puis, ben, c'est sûr que quand tu connais les bonnes séries éliminatoires, c'est sûr que ta cote est à la hausse, là. Mais je ne pense pas que j'ai joué mon avenir du Canadien, non. OK. Junior Junot lui demande quand Régent Houle t'a demandé pour diriger le Canadien. Est-ce que tu t'es posé la question, as-tu de l'expérience? J'ai pas vraiment d'expérience ou tu as décidé d'y aller tout de suite? Ben, j'ai pensé à tout ça. Effectivement, j'ai pensé à ça, mais Pierre Trudel me connaît très bien. Oui, ça, la connaît l'histoire. J'ai accepté le défi, puis je pense que ça a été très, très bien. J'ai pas raté des séries pendant les 2 années que j'étais là. Puis comme je mentionne dans le reportage, j'ai eu pas mal plus de plaisir que de fun. Ben ouais. Dans l'histoire... Quand Mario a été nommé, ça sert à l'air d'être pas de donner le scoop. Ben oui, je me rappelle. Oui, c'est... On la rappelle très bien, tu étais à New York, quand les Islanders de New York, et tu avais, je pense, interviewé, je pense que c'était un ancien joueur, tu étais dans le micro, puis tu savais que tu dirigeais le Canadien, on s'en rappelle très bien de cette histoire-là, Mario. Ouais, là. Exactement, ouais. Je sais pas c'est qui, lequel... C'est QS dans le temps. Ouais, OK. Avec le recul du temps, je vais me permettre la question. OK. C'est pas dramatique, puis tout ça. Mario a eu le scoop du congédiement de Jean Perron, OK? Mm. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, quelqu'un de très bonne source qui l'a appelé pour lui filer le scoop. Ça a été vérifié par la suite, comme il se doit, et ça s'est avéré vrai. Le gars en question, Mario, tu me connais, je me trompe, je te demande ça, je fais du mémérine, puis c'est vrai. Hein? Le gars en question était un ami de Serge Savard. Oui. Je connais Savard. Oui. Penses-tu que Savard a pu influencer le gars pour te donner le scoop? Non, je pense pas. Non, parce que quand j'ai sorti ça, cette nouvelle-là, hier, c'est un chemin à la table d'après moi, que je ne pense pas qu'il y a appelé ce gars-là pour être l'influencer, non. Okay. Moi, je vais te poser une question, Mario. Est-ce que, j'en viens à l'histoire de Patrick Roy, société mémorable, là. Si il y avait eu un directeur gérant plus expérimenté, un genre de Serge Savard à la place de Régent Houle, qui aurait orchestré genre une réconciliation pour une pièce qui était une pièce de théâtre, est-ce que l'histoire de Patrick Roy aurait été différente à Montréal? Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est une bonne question, Danny, sauf que le problème, c'est que Patrick ne voulait plus revenir. Jean-Houle l'a appelé, il lui a parlé, il a voulu le rencontrer. Quand il y a déjà M. Corrie derrière le banc qui avait joué son dernier match en uniforme du Canadien, Patrick ne voulait pas changer d'idée. OK. L'affirmation que j'ai toujours appuyée, de se faire traiter de zoupe, évidemment, là, parce que il m'attaquait au problème de Patrick Garouin. Mais c'est un scénario qu'il souhaitait, puis il venait d'aboutir, il n'y avait pas pour changer d'idée. Pas vrai. Non, mais. S'il y avait eu quelqu'un. T'as raison, Pierre. Et puis moi, s'il y avait eu, Janine, tu parles de directeur général, tu parles de Fangio, les gens. Ouais. Le gars qui a réagi trop vite là-dedans, s'il faut en trouver un absolument, qui aurait pu mettre, je sais pas ce qui s'est passé en coulisses, je n'étais pas là, mais qui aurait pu mettre son pied à terre, il dit, minute, on va tout s'asseoir, on va pas s'ennuyer ensemble s'il faut, on va essayer de voir s'il y a une solution. Et ce gars-là, ça s'appelle, c'est un gars avec qui je m'entends excessivement bien, je suis trop bien entendu, mais quand même, c'est le président de l'équipe, c'est Ronald Corré. Ben, c'est sûr. C'est sûr que Ronald Corré aurait pu organiser une pièce de théâtre, puis a dû dire, Patrick, on va l'échanger, parce que c'est de notoriété publique que Patrick Roy, avant qu'on ait dit mal sur Chavard, ce Chavard avait décidé de l'échanger. Ça, on l'a sait l'histoire, donc on avait conclu dans l'organisation. Parce que, ouais. Danny, le problème aussi, là, comme Pierre l'a mentionné, si Patrick ne voulait pas venir à Montréal, il y avait une chose à faire, être plus patient pour l'organisation, pour trouver le bon échange, tu sais. Parce que là, ça pressait. Puis quand Pierre Lacroix a appelé, ben là, avec les joueurs qui nous ont offert, là, Ouzinski, Kovalenko, M. et deux autres, c'était un petit peu trop vite, je pense. C'était trop vite. OK. Hey, j'ai une question de Camille Bouliane. Là, on va perdre Pierre, parce que Pierre, c'est un gars de Montréal. Donc, le lac Saint-Jean, tu connais pas ça, mais moi, je la trouve la fun, la question. Tu connais du monde au lac? Oui, c'est ça, Danny Veilleux, Mario Tremblay, mais OK. Mario, tu as joué dans la Ligue, c'était junior régional dans le temps. Quel est le joueur, ça vient de Camille Bouliane, le meilleur joueur de Dolboum, ça signait des Castors à l'époque quand tu as affronté? Quand j'ai joué à 15 ans là, pour les Vedlo d'Alma, celui qui était le meilleur joueur des Castors, c'était dénommé Lemieux, Jean Lemieux. OK. Il était plus vieux, il avait quoi, 19 ans? Mais définitivement, Jean Lemieux était très, très bon. Puis le plus cochon, c'était pas l'enfant. Je me suis dit, OK. OK. Mais Jean, aurais-tu pu faire une carrière assez longue s'il aurait voulu? Aurais-tu eu le potentiel, Mario? La seule affaire, je pense, c'est son gabarit. OK. Trop gros. OK. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de talent. OK. Ben, Mario, c'est très intéressant. Moi, c'est pas mal le fun de vous avoir réunis. Pierre est un collaborateur régulier avec moi. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais moi, j'appelais souvent dans les nouvelles avec Pierre Trudel et Mario Tremblay. Moi, je me souviens de toi. moi, je me rappelle de toi, moi aussi. Ben, messieurs, très intéressant. Puis, on s'en reparle peut-être un autre tantôt. Oui. Oui, Pierre. Oui. Comment est-ce que Mario est avec les cheveux plus blancs comme moi? Plus blanc que toi. C'est parce que Pierre, quand on joue au hockey, là, on peut juste travailler plus fort, c'est tout. Travailler plus fort que toi. Bon, OK. Messieurs, très intéressant. Mario, peut-être un autre plaisir de se revoir peut-être cette année au lac Saint-Jean à brasser Mario Tremblay. Oui. Pierre, on se reparle un autre tantôt. OK. Pierre. Mario.